Génération 90, un maxi pour l'Austin Island. Les souvenirs de taxi et l'époque du fameux Dolan. À cette époque, j'étais tout petit, je venais de fêter mes 12 piges. Pas encore dans la partie et encore très loin du hashish. La rue m'apporte de sortie vers les bars où je me dirige. Avec mes premiers frères Emric, Malone et Yougoslav. Nous on connaît la technique, on s'enfile que des tobos là. Petit à petit, une petite équipe et partout on fout le hella. On n'avait pas un franc en poche et on rêvait tous sous le Porsche. Un jour de finir dans une M3 ou bien une putain de Porsche. Et 2 ans sont passés, pas un euro dans ma sacoche. Tous les frères sont défoncés, le temps passe mais on s'accroche. Putain il faut des housses, c'est quand nous aussi qu'on empoche. On monte au premier plan et de la zone prix on se rapproche. Au check son c'est le feu, ça boit, ça fume à longueur de journée. Les frères sont tombés et en prison en train de séjourner. Le temps passé se répète de bras toute la journée. Le temps passé se répète de bras toute la journée. On était tous posés au centre, mais putain qu'est-ce qu'on était bien. On était tous posés au centre, à cette époque on était plein. On avançait tous solidaires et on avait besoin de rien. Maintenant tout le monde est solitaire, viens voir au quartier y'a plus rien. Il ne reste qu'un souvenir amer de cette époque où on était plein. Il ne reste qu'un souvenir amer de cette époque où on était bien. Je suis seul devant les cages et ces bâtards, cela joue perso. Ok, quand ça marchera, je boufferai tout, je mangerai tout perso. Et toute la concurrence, moi je me la fume comme un gros perso. J'ai fait la différence depuis ma naissance, depuis le berceau. Si le ciel s'assombrit, c'est que j'arrive à bord de mon vaisseau. Je suis pas venu en paix, je vais vous niquer, je vais tout faire perso. Ils disent faire du rap, mais ils kick comme des bonnes sœurs. J'ai ôté, c'est l'équipe et moi je les kill comme un boxeur. J'ai grandi à deux bras, toute la journée, rien à faire. Du paradis très très loin, mais juste à deux pas de l'enfer. Pour ceux qui voyaient loin et qui ont fini par du fer. Ça y est, tu vois le bout du tunnel et ça y est, tu te dis enfin. Mais tous les jours se répètent et c'est comme dans l'histoire sans fin. Le temps, le sang qui défile, il en reste très peu à la fin. Deux bras, c'est comme un film, y'a un début, aussi une fin. Deux bras, c'est comme un film, y'a un début, aussi une fin. On était tous posés au centre, mais putain, qu'est-ce qu'on était bien. On était tous posés au centre, à cette époque, on était plein. On avançait tous solidaires et on avait besoin de rien. Maintenant, tout le monde est solitaire. Viens voir au quartier, y'a plus rien. Il ne reste qu'un souvenir amer de cette époque où on était plein. Il ne reste qu'un souvenir amer de cette époque où on était bien.